3, compréhension auditive et production orale. Écoutez les énoncés suivants. Après chaque énoncé, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Aujourd'hui, les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont peut-être se rencontrer. Qu'est-ce que les deux personnages de l'histoire vont faire aujourd'hui? 2. Mireille étudie à la Sorbonne depuis un an. Depuis combien de temps Mireille étudie-t-elle à la Sorbonne? Depuis un an. 3. En ce moment, elle vient de sortir de l'Institut d'art et d'archéologie et elle se repose sur une chaise au jardin du Luxembourg. Que fait-elle au jardin du Luxembourg? Elle se repose. 4. Un jeune homme se promène dans le jardin du Luxembourg. Que fait le jeune homme dans le jardin du Luxembourg? Il se promène. 5. Il a l'air de s'ennuyer. Est-ce qu'il a l'air de trouver ça intéressant? Non, il a l'air de s'ennuyer. 6. Il s'approche. La jeune fille qui porte la jupe rouge fait semblant de ne pas le voir. Elle lève les yeux. Que fait la jeune fille pour faire semblant de ne pas le voir? Elle lève les yeux.